Le groupe de visite dont la patrie des élèves d'écoles supérieures coréennes au Japon, respectivement conduit par les proviseurs de l'école supérieure coréenne de Kobe et de l'école primaire, secondaire et supérieure coréenne d'Hiroshima, ont fleuri et rendu hommage le 17 devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu.